Ashrat ou Sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نواصل بحمد الله عز وجل مع هذه السلسلة المباركة، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ici, on continue avec cette série concernant les signes Ashrat al-Sa'a, les signes de la fin des temps. Et on s'était arrêté la semaine dernière avec une muqaddima, une introduction, ici qui est essentielle pour comprendre bien ici la suite des cours qui vont suivre. Donc ici, on a cité certains points essentiels, ici, la semaine dernière, et parmi ces points essentiels, on avait rappelé qu'il y avait différents types de signes de la fin des temps, d'accord ? Différents signes de la fin des temps, il y avait les petits et il y avait les grands signes de la fin des temps. Il y avait des petits signes qui avaient déjà eu lieu, qui sont passés. Il y a des petits signes qui ont déjà eu lieu et qui existent et qui ne cessent d'avoir lieu au jour d'aujourd'hui. Et il y a Ashrat al-Sa'a al-Kubra. Il y a les grands signes de la fin des temps qui vont venir, et le prophète alayhi salatu wa salam les a dénombrés et les a cités dans un hadith authentique, comme on le verra par la suite bi-idhnillahi azza wa jal. Il les a cités, les grands signes, dans un seul hadith, et on verra ça par la suite insha'Allahu ta'ala. Et on va rajouter un point au jour d'aujourd'hui insha'Allahu ta'ala, tout en sachant qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Lakin, on va rajouter un point, et vous allez le voir, on va le remarquer de façon très claire, c'est qu'il y a des petits signes de la fin des temps qui auront lieu bi-idhnillahi azza wa jal après certains grands signes de la fin des temps. Il y a des petits signes de la fin des temps, bien sûr, qui ont déjà eu lieu, qui se sont ou qui sont passés. Il y a des petits signes qui ont eu lieu et qui existent toujours d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qui ne cessent ici de se passer. Et il y aura des petits signes de la fin des temps qui auront lieu après certains grands signes de la fin des temps, comme on le verra bi-idhnillahi azza wa jal, et comme on va l'apercevoir insha'Allah ta'ala lors de cette soirée. Wa billahi tawfiq. Avant de continuer, je rappelle, comme j'avais cité la semaine dernière, qu'il y a des buts pour lesquels, ou pour na'am lesquels, on a traité ici ce sujet-là, et que j'ai voulu ici mettre en place cette série de cours concernant les signes de la fin des temps. Parmi ces buts, c'est de se rappeler que la vie d'ici-bas n'est que temporaire, et qu'on se doit de se préparer pour l'au-delà, pour la petite et la grande heure. On avait dit la petite heure, c'est Al-Maut, la grande heure, le jour dernier. Et pour agir ici-bas avec détachement ici envers les plaisirs, les passions, les choses qui sont mondaines, qui font partie des choses mondaines et qui ne nous servent à rien du tout pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qui au contraire nous font souvent ralentir dans notre avancée ici vers le paradis, dans notre cheminement vers le paradis, pour agir avec détachement. Parce que quand tu sais ce qui nous attend, et plus tu prends conscience de ce qui nous attend dans l'akhirah, et ne serait-ce que ici au fur et à mesure de la vie, concernant les épreuves qui peuvent te toucher, les signes venant d'Allah Azza wa Jal, ça te pousse à agir avec détachement. Et c'est parmi les buts de cette série de cours. Et c'est pour ça qu'il est relaté dans un hadith jugé bon, bisanadin hasan, rapporté par Ibn Majah et d'autres, selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qui a interrogé le prophète alayhi salatu wa salam. Il a dit: Ya Rasul Allah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Il a dit, comme j'ai déjà cité plusieurs fois ce hadith, ce compagnon, ce noble compagnon, très intelligent, très lucide, très perspicace, Ya Rasul Allah, indique-moi une action, que si je fais cette action, ou que si je la fais, je serai aimé d'Allah et des gens. D'Allah et des gens. Il cherchait l'amour d'Allah et l'amour des gens, dans la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, bien sûr. Et le prophète lui a répondu, avec ces paroles, sallallahu ala al-Mustafa, sallallahu ala al-ladhi la yantiqu anil hawa, il lui a dit alayhi salatu wassalam, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma inda al-nas yuhibbuka al-nas. Agis avec détachement envers cette vie d'ici-bas. Détache-toi de cette vie d'ici-bas, par cette cause Allah t'aimera. Et agis avec détachement, délaisse ce que les gens possèdent. Agis avec délaissement envers ce que les gens possèdent, yuhibbuka an-nas, les gens t'aimeront. Deux réponses ici venant de celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, Muhammad alayhi afdalus salatu wa azka at-taslim. Parmi les raisons aussi de cette série de cours, ça nous rappelle que le prophète alayhi salatu wa salam est le dernier des prophètes et messagers. Et que le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé comme Allah azza wa jalla dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité, pas que pour les musulmans, pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'à travers les paroles du prophète alayhi salatu wa salam, on voit que le prophète nous veut du bien parce qu'il nous rappelle. Il nous rappelle, attention, regardez ce qui vous attend. Et il nous rappelle que ces paroles sont véridiques. Car ici, dans les signes de la fin des temps, il y a des miracles. Parce que nous, au jour d'aujourd'hui, 14 siècles après la venue du prophète alayhi salatu wa salam, on se rend compte que le prophète alayhi salatu wa salam disait des choses il y a 14 siècles qui viennent d'apparaître au jour d'aujourd'hui. Et pour chaque époque, pour chaque génération, les personnes se rendront compte de la même chose. Nos enfants, incha'Allah ta'ala, nos arrière-petits-enfants, incha'Allah ta'ala, wa hakadha, comme ceux qui nous ont précédés se sont rendus compte. À chaque époque, à chaque génération, les gens se rendent compte que le prophète, alayhi salatu wa salam, il ne parle pas poussé par sa passion, mais il parle avec révélation, et il se rend compte que le prophète, alayhi salatu wa salam, l'a mis en garde contre l'insouciance. C'est comme si le prophète nous disait, à travers chaque signe qui nous citait, dans la sunna authentique, attention, méfiez-vous. Ne vous faites pas avoir par les plaisirs mondains. Regardez ce qui vous attend. La mort, elle vient rapidement. La vie est courte. Et ça, c'est un signe que le prophète, alayhi salatu wa salam, il veut notre bien. Car celui qui t'avertit d'un malheur et qui te met en garde contre un mal, sache que celui-là, c'est celui-là qui te veut du bien. Même si quelquefois tu sens ces paroles un peu dures, ou c'est des choses que tu n'arrives pas toujours à accepter, mais si ces paroles sont vérité, sache que c'est celui-là qui te veut du bien, et pas celui qui te caresse jour et nuit, et qui n'ose pas te dire la vérité, te mettre en garde contre les mâles qui peuvent t'atteindre. Alayhi salatu wassalam. Parmi les biens de cette série, c'est que ça nous rappelle aussi que le prophète alayhi salatu wassalam, ici, nous a bien montré que l'islam était une vérité, une réalité, et à travers toutes ces paroles prophétiques, ici, concernant les signes de la fin des temps, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous apaise. Et apaise toutes les personnes qui peuvent avoir des doutes. Suite à quoi? Al-wasawis, venant de shaitan, la'anahullah, les mauvaises suggestions. Quelquefois, shaitan, il te dit, oui, mais peut-être, comme le prophète a dit, cessez de poser trop de questions, sinon vous allez arriver à un moment, vous allez arriver à un moment où vous allez vous dire, shaitan va pousser à vous dire, mais qui a créé Allah? Qui a créé Allah? Khalas, Allah, il a, mais qui a créé Allah? Des questions qui, se sont posés même les compagnons radiyallahu anhum wa ardhahum. Na'am, le prophète alayhi salam nous rappelle ici que c'est quelque chose de naturel. Quand les compagnons l'ont interrogé, ils lui ont dit, ya Rasulallah, on a des suggestions, on a des pensées. Ici, on n'ose même pas te les dire. Dans une version, on préférerait tomber d'une montagne que de te les dire. Ya Rasulallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a rappelé de dire quoi? Dans des versions, de dire, la ilaha illallah, amantu billah. De dire, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le prophète alayhi salam, il a dit, c'est ça la foi. Si vous combattez, vous êtes contre ici ces suggestions et vous n'extériorisez pas ces suggestions. C'est-à-dire, vous les gardez à l'intérieur de vous-même et vous les combattez. Alhamdulillah. C'est un bien. Et c'est une preuve que tu as l'iman. Donc ici, les paroles prophétiques, ici, du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous parle des signes de la fin des temps, ça nous permet de nous apaiser. Pourquoi? Quand tu vois que le prophète alayhi salatu wassalam t'a parlé il y a 14 siècles de signes qui viennent, par exemple à notre époque, il y en a, na'am, vous allez voir, qui viennent juste d'avoir lieu ou qui ont eu lieu il y a quelques mois ou quelques semaines ou quelques années ou quelques... La personne, elle ne peut que dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Elle ne peut que avoir la certitude quant à cette religion qui est l'islam. Ça te raffermit, ça t'apaise quelque part. Tu te dis, alhamdulillah, wallahi, chaque signe que j'étudie, je me rends compte que l'islam, c'est vraiment la vérité, et ça te permet de t'éloigner de tout doute. Parce que les doutes, ici, personne n'en est à l'abri des doutes. Et shubuhat, les ambiguïtés, personne n'est à l'abri des ambiguïtés. C'est pour ça que c'est important d'étudier ici les signes de la fin des temps qui permet aux croyants d'être fermes et de rester fermes quant à l'application et le suivi de cette religion qui est agréée auprès d'Allah Azza wa Jal. Inna dina inda Allah al-Islam. Certes, la religion agréée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est c'est l'islam. Concernant les ordres de la fin des temps, ou plutôt des signes de la fin des temps. Ici, il n'y a pas de signe, ou plutôt d'ordre chronologique, d'ordre spécifique, ou alors plutôt détaillé dans le Coran ou dans la Sunna. C'est-à-dire, ni Allah, ni le prophète alayhi salatu wassalam nous ont dit, le premier signe, ça sera celui-là, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dans l'ordre. Si ce n'est que, il y a eu un ijtihad, ou bien des ijtihadat, de ahlul ilm, des gens de science. Il y a des choses qui sont concrètes, que tel signe ne peut avoir lieu qu'après tel signe. C'est clair comme vous allez le voir. Mais yani, pour dire qu'il y a un texte clair qui nous dit le premier signe c'est celui-là, le deuxième, troisième, quatrième, du premier je dis bien, au dernier signe, il n'y a aucun. Si ce n'est comme je vous ai dit, il y a des signes qui sont logiques. C'est-à-dire que c'est logique que ce signe vienne directement après celui-là. C'est clair, comme on va le voir. Ou alors qu'il n'y a pas de texte clair qui nous dit le premier signe c'est celui-là, deux, trois, quatre, cinq, jusqu'au dernier signe. Ça, il faut être clair. Ou alors qu'il y a des signes qui sont clairs. Parmi ces signes qui sont clairs, c'est le premier des signes que le prophète alayhi salatu wassalam a cité, et on rentre dans les signes de la fin des temps, et on est dans les petits signes de la fin des temps. Ensuite, bihaoulillah azza wa jal, par la suite et vers la fin de ces cours, on rentrera dans les grands signes de la fin des temps. Les petits signes de la fin des temps, il y a ce qu'on appelle bi'athatun nabi alayhi salatu wassalam, la venue du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam est venu en tant que prophète et messager à son époque, c'était déjà un signe. Et quand on dit les signes de la fin des temps, ça nous rappelle que la fin des temps est proche. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Quel jour, on ne sait pas. Quel mois, on ne sait pas. Quelle année, on ne sait pas. Allahu a'lam. Comme on l'a vu dans les détails la semaine dernière. Lakin proche, Allah Azza wa Jalla nous l'a rappelé dans plusieurs versets qu'elle est très proche. Elle n'est pas proche. Elle est très proche, les signes de la fin des temps. Et pourquoi pas, alors que le prophète dit lui-même à son époque, ici, Bu'ithtu ana wa sa'aka hatayn. Le prophète alayhi salam kama ja'a fi sahih al-Bukhari. Il dit, j'ai été envoyé, moi et l'heure, tel ces deux-ci. À son époque, il dit tel ces deux-ci. Mais on va expliquer maintenant. On avait cité ça la semaine dernière, ce hadith. Laquelle on va rentrer dans les détails sur ce hadith-là. Quelle est la preuve que ce hadith-là, et le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, a montré l'index et le majeur, quelle est la preuve, ici, concrète, et dans les détails, que le prophète, alayhi salatu wassalam, ou plutôt, l'avenue du prophète, alayhi salatu wassalam, est un des signes, parmi les signes de la fin des temps. Vous allez voir, ici. On continue. Rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai été envoyé moi et l'heure, tel ces deux-ci. Et dans le Bukhari, il dit, j'ai été envoyé moi et l'heure, tel ces deux-ci, en indiquant deux doigts, en question et en l'étendant. Rapportant, et en l'étendant, rapporté par Al-Bukhari, et dans le deuxième, rapporté par Muslim. Clair. Donc ici, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'imam Al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, l'imam ici, Al-Qurtubi, a dit une parole. Il dit, le premier d'entre eux, des deux doigts en question, représente le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Car il est le messager de la fin des temps, il a été envoyé sans qu'il n'y ait de prophète entre lui et le jour de la résurrection. Claire, le premier des doigts, il représente qui? Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa dalilu ala dhalik, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le dernier des prophètes et des envoyés. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, ma kana Muhammadun aba ahadim minkum, aba ahadim min rijalikum, walakin rasulallah, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le خَاتَمَ النَّبِيِّينَ, le dernier des prophètes. Selon la version rapportée par Muslim, Shu'ba radiyallahu anhu arda rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, dit, j'ai entendu Qatada dire dans ses récits, telle est la différence de la taille de l'un des doigts par rapport à l'autre. Je ne sais pas s'il a rapporté cela de la part d'Anas ou si c'est Qatada radiyallahu anhu arda qui l'a dit. On continue. Il est donc le dernier des prophètes. Aucun prophète ici ne viendra après lui. Comme il dit Cheikh Wabil, rahimahullah ta'ala, l'auteur du livre des signes de la fin des temps. Et il dit, au contraire, c'est le jour de la résurrection qui viendra après lui de la même manière que le majeur et l'index se suivent. D'accord? Donc, un doigt représente le prophète alayhi salatu wassalam et l'autre doigt représente le jour de la résurrection. Clair? Il n'y a aucun autre doigt entre eux ou de la même manière que l'un est plus grand que l'autre. D'accord. Donc deux significations. Le prophète alayhi salatu wassalam rappelle qu'un doigt le représente. L'autre doigt, le jour de la résurrection. Entre les doigts, est-ce qu'il y a l'index et le majeur, entre l'index et le majeur, un autre doigt? Non. Pour nous rappeler qu'après le prophète, il n'y a que le jour de la résurrection. Entre les deux, il n'y a pas d'autre prophète. D'accord. De plus, le prophète a montré l'index et le majeur, pour rappeler qu'ils sont très, très proches. Clair. D'autres savants, ils ont dit non. Il a montré l'index et le majeur aussi pour montrer qu'ils sont très proches, mais pas du point de vue que le doigt, l'index est proche du majeur. Mais de quel point de vue? La taille. Est-ce qu'il y a une grande différence de taille entre l'index et le majeur? Une petite différence de taille. Très petite. Pour nous rappeler que c'est dû à quoi? La différence de taille de l'index et le majeur. À la kulli hal, ça se rassemble les deux significations et le sens va, ou les deux explications vont dans le même sens. Ce qui est sûr, c'est que l'avenue du prophète alayhi salatu wassalam est très proche du jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vécu il y a combien de temps? 1400 ans à peu près, 14 siècles. Ça veut dire que si à l'époque du prophète, on pouvait dire, d'après ce hadith, que c'était très proche. Au jour d'aujourd'hui, on dit quoi? Que c'est très très proche. Alayhi salatu wassalam. Clair? Donc ici, comme disent Ahlul Ilm aussi, le fait de se rappeler du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et à chaque fois que tu cites le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, à chaque fois que tu lis un hadith sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, à chaque fois que tu lis un verset concernant le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, tu dois te souvenir de quoi? La fin des temps. Le prophète alayhi salatu wassalam, juste le fait de se rappeler de lui, ici, il te fait ad-da'wa. Alayhi afdalu salati wa azka at-taslim. Juste en te souvenant de lui, en citant ce nom, il te fait ad-da'wa, l'appel à Allah azza wa jal. Il te pousse à ne pas être insouciant. Il te pousse à délaisser la vie d'ici-bas. Juste en disant quoi? Muhammad alayhi salatu wassalam, pour celui qui a de la science et bien compris cette religion. Pourquoi? Car le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, bu'ithtu ana wa sa'aka hatayn. Moi et le jour de la résurrection, j'ai été avenu, ou j'ai été envoyé ici. Comment? Avec quoi? Avec le jour dernier comme ces deux doigts. D'accord? C'est-à-dire très proche. Ça doit te faire rappeler automatiquement al-akhirah. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. J'ai été envoyé moi et l'heure, tels ces deux-ci. Ça c'est le premier des signes. Deuxième des signes. Mawtun nabi alayhi salatu wassalam. Donc c'est déjà passé. Ça, il y a ijma', clair. Sur ça on est clair. Ces signes, ils sont déjà passés. Il y a la mort du prophète alayhi salatu wassalam. La mort du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un des signes parmi les signes de la fin des temps. Là on est dans les petits signes. Ashratu sa'a as-sughra. Clair? Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, selon un hadith de Auf ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, U'udut sittan bayna yadayi sa'a. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, compte-en six avant la venue de l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il y a que six signes de la fin des temps. Non. Mais ça, c'est pour nous montrer qu'il y a six signes, et il y en a d'autres. Mais les six ici ont été cités dans le hadith rapporté par al-Bukhari. Et il a cité les signes, le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces signes, le premier, il a dit quoi? Mauti alayhi salatu wassalam, il dit ma mort. Dans le hadith rapporté par al-Bukhari. Donc la venue du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un signe. On retient. Le deuxième des signes, la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Le fait que le prophète est mort, c'est un signe. La preuve rapportée par al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que quoi? Sa mort, ça fait partie de six signes de la fin des temps parmi les autres signes de la fin des temps. C'est clair. La mort du prophète alayhi salatu wassalam, ça a été un signe et c'est un signe de la fin des temps. Et comme disait l'ulama, c'est un des plus grands malheurs qui a touché la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un des plus grands malheurs qu'a vécu et qu'a subi cette communauté, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Et il suffit simplement de dire, et pourquoi pas alors que depuis sa mort, al-wahi, la révélation a cessé. Khalas, plus de révélation. Depuis la mort du prophète alayhi salatu wassalam, al-wahi s'est interrompu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda rapporte, et le hadith il est authentifié par Cheikh al-Albani, le jour durant lequel le prophète alayhi salatu wassalam entra à Médine, toute chose s'illumina, le jour où le prophète est rentré à Médine. Et il dit Anas, mais le jour durant lequel il mourut, toute chose s'assombrit. Nous n'en avions terminé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Alors que nous étions en train de l'enterrer, que nous démentions nos cœurs. Ils ont eu très mal. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, Omar qui était réputé pour sa fermeté, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il disait? Quand le prophète alayhi salatu wassalam est mort, toute personne qui dit que le prophète Mohammed est mort, je lui coupe la tête. Tellement qu'il a eu du mal à supporter la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ces montagnes, ils ont eu très mal. Pourquoi? Tout le poids s'est abattu sur eux. Regardez-nous juste quand on pense à la mort du prophète, il y a des siècles et des siècles. On apprend à le connaître. Alors imaginez-vous, et on a mal, alors imaginez-vous eux qui ont vécu avec le prophète. Ils ont vu les miracles avec leurs propres yeux quand ils ont vu le prophète mourir devant eux. Ils ont eu très mal. C'est pour ça que Ahlul Ilm, ils disent parmi les plus grands malheurs, si ce n'est le plus grand malheur qui a touché la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit dans le Fath, il veut dire par là que Médine avait changé en comparaison à ce à quoi il s'était habitué durant sa vie comme amour, sérénité et douceur dû à la perte de ce qu'il leur apportait comme enseignement et éducation. Il suffit de voir à notre époque au jour d'aujourd'hui. Quand un savant meurt, c'est une moussaïba pour la communauté. Quand une personne qui te fait du bien à toi, khalas, on parle pas des savants. Une personne simplement qui te fait du bien, simplement au point de vue mondain, l'année de dunya, il te fait du bien, il s'occupe de toi. Prenons comme exemple les parents. Qui t'ont éduqué, qui t'ont nourri, qui t'ont logé, qui t'ont habillé. Tu les aimes. Quand ils meurent, ça te fait mal ou pas? Que dire de la personne qui a voulu du bien pour toi, tes parents et les milliards et milliards de musulmans ici qui ont existé et qui existeront jusqu'au jour de la résurrection? Un seul homme, Mohammed alayhi salatu wassalam, est décédé. Comment doit être notre état si vraiment on aime le prophète alayhi salatu wassalam comme il se doit? Et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et d'autres, et plusieurs versions vont en ce sens, personne d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il m'aimera, plus que qui? Plus que ses parents, ses enfants, lui-même, et l'ensemble des gens. Umar ibn al-Khattab, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, ya Rasulallah, wallah, je t'aime plus que tout le monde. Mes parents, mes enfants, tout le monde. Mais regardez les gens véridiques. Il dit, mais pas que moi. Il dit, pas que moi, quand je suis pas arrivé à ce stade-là. Prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il lui dit, khlas, tu as complété ton iman? Il a dit, non. Khlas, il lui a dit, tu n'as pas encore complété. Il lui a montré que son iman, il n'est pas encore complet. Umar ibn al-Khattab, il est venu peu après, il a dit, ya Rasulallah, wallah, je t'aime plus que mes enfants, que mes parents, et que l'ensemble des gens, et que moi-même. Il lui dit, al-an, ya Umar. Il dit, maintenant, ya Umar, pour lui montrer, maintenant tu as complété ta foi. Ça, c'était Umar ibn al-Khattab. Il n'a pas complété sa foi. Sa foi n'est pas complètement complète, on va dire, tant qu'il n'a pas aimé le prophète, alayhi salatu wassalam, plus que lui-même encore. Vraiment, nous, est-ce qu'on aime le prophète, alayhi salatu wassalam, ne serait-ce que plus que nos enfants, nos épouses, nos parents, nos frères? Non, khlas. Pas eux. Est-ce qu'on aime plus le prophète, alayhi salatu wassalam, que notre argent, que nos poches, que nos biens? Oui, wallah, moi, je l'aime plus. Khlas. Hayya ala salah. Asmahli akhoya le travail. Ashhadu an la ilaha illallah. Ça on dit où ça? Dans l'adhan, masha'Allah. L'appel à la prière, d'accord. Et qu'est-ce qu'on dit? Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Ah, j'atteste que Muhammad est l'envoyé d'Allah. On parle de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ou on cite son nom dans l'adhan, l'appel à la prière. Quand il y a l'adhan, tu es où? Tu laisses la prière et ensuite tu dis, moi j'aime plus le prophète que quoi? Que moi, mes enfants. Tu n'aimes peut-être pas plus le prophète que ton argent et tes poches. Illa man rahim Allah. Et je ne généralise pas. Walakin, ça existe ça. Ça existe une réalité, ayyuhal ahbab. Donc, il faut être véridique envers nous-mêmes. Et ne pas se mentir à soi-même et pas mentir à Allah, azza wa jal, et aux gens. Omar, il a dit, ya Rasulallah, moi je t'aime plus que mes parents, mes enfants, tout le monde. Pas que moi-même. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a laissé. Quand il est revenu, il a dit, wallah, et il était véridique, plus que moi-même. Maintenant, il a dit, al-an, maintenant. Seulement, à ce moment-là, il lui a dit ça, le prophète. Al-an, ya Omar, maintenant. C'est-à-dire, maintenant, tu as complété ta foi. Et c'est pour ça que, ici, les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, ce sont les personnes qui ont aimé le plus le prophète, alayhi salatu wassalam, car elles ont vécu avec lui, ils l'ont soutenu comme personne à part eux aurait pu le soutenir. Personne d'entre nous à part eux aurait pu le soutenir comme eux, ils l'ont fait. Personne de nous aurait pu le soutenir comme eux, ils l'ont fait, radiyallahu anhum wa ardahum. Et même les femmes à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont aimé le prophète, alayhi salatu wassalam, d'une façon qui est plus qu'étonnante. Ayman, radiyallahu anhu wa ardaha. Et le hadith, il est connu. Ici, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, ils sont partis visiter Ayman quand le prophète, alayhi salatu wassalam, est mort. Ils sont partis la rendre visite. Et ils ont vu Ayman en train de pleurer. Elle était triste. Elle avait mal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était mort. Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr lui ont dit, qu'as-tu à pleurer? Qu'as-tu à pleurer? Donc ils ont voulu quoi? Lui remonter le moral. Et c'est ça le croyant. Et c'est ça la croyante. Quand elle voit la croyante, sa sœur, ou le croyant voit son frère qui a des problèmes, des soucis, des tristesses, il vient et il lui dit pas, comme je vous ai dit souvent, je sais pas comment tu fais pour supporter, croyant. Moi, j'aurais déjà lâché prise. Allahu Akbar, mashallah, tu subar, mashallah. Non. Ici, t'es là pourquoi? Lui remonter le moral. C'est ça le croyant. D'accord? Toute personne qui enlève un souci à son frère ici-bas, Allah Azza wa Jalla lui enlève un souci, fil akhira, dans le delà. Donc là, toi, tu es là, pour soutenir ton croyant. Allah ne cesse de te venir soutenir ce croyant. Allah ne cesse de te venir en aide et te porter soutien tant que tu ne cesses de porter soutien à ton frère. Comme قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح. Il lui dit, qu'as-tu à pleurer? Ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal est meilleur pour son messager. Parce qu'il savait qu'elle avait mal pour le prophète. Il dit, khlas, ce qu'il y a auprès d'Allah pour le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est meilleur. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, wallahi, je ne pleure pas de ne pas savoir si ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour son messager, mais je pleure parce que la révélation s'est interrompue du ciel. Elle dit, je sais très bien que ce qui est auprès d'Allah, c'est meilleur pour le prophète. Elle dit, mais je pleure. Regardez le degré qu'ils avaient. Donc, elle montre que quoi? Analyse bien ses paroles. Son amour envers Allah Azza wa Jal avait certes dépassé son amour envers le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc quand on parle de révélation, c'est qui a révélé au prophète alayhi salatu wa sallam? C'est qui? C'est Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Donc elle dit, le fait simplement qu'Allah Azza wa Jal, il a stoppé la révélation, la descente de la révélation, al-wahi, je pleure pour ça. Eh, mais le prophète, je sais que ce qu'il va rencontrer auprès d'Allah Azza wa Jal. Taba'an, évidemment, c'est clair, c'est net, c'est, il n'y a pas de doute à avoir sur cela. Mais elle dit, j'ai eu mal, je pleure. Ça, il n'y a plus de révélation. La révélation, elle cesse de descendre du ciel. Regardez le degré qu'ils avaient atteint, radiyallahu anhum, wa radiyallahu anhun, pour les femmes. Le prophète, alayhi salatu wa salam, Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'il est mort aussi, pour nous rappeler aussi, que même si le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a transmis de la meilleure des façons cette religion et qui n'a pas trahi la transmission de cette religion et qui a tout transmis comme il se devait et qui est l'être humain le plus aimé et le meilleur des êtres humains sur la surface de la terre, bien qu'il soit mort, est-ce que ad-da'watu ila Allah continue? Est-ce que les prédicateurs existent toujours? Est-ce que ici la religion ici continue à avancer? Avec ou sans le prophète alayhi salatu wassalam, plutôt avec ou sans la présence physique du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'on peut pas dire sans le prophète, parce qu'on est on a toujours quoi? Sa sunna. Sans sa sunna, on est perdu. Mais avec ou sans la présence physique du prophète alayhi salatu wassalam, na'am, pour te rappeler que c'est Allah azza wa jal qui est au-dessus de toutes choses et au-dessus des prophètes. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide et qui égare. Et c'est Allah qu'on doit adorer et pas les prophètes et les envoyés. Et que les prophètes et les envoyés sont des êtres humains et ils sont voués à mourir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, comme Allah a dit dans le Coran al-Karim, tu dois mourir et eux aussi ils mourront. Pour pas qu'on tombe dans l'excès comme l'ont fait les chrétiens jusqu'à ce qu'ils se sont mis à adorer Isa alayhi salam et de dire une fois avec toute ambiguïté ou la plus grande des ambiguïtés, c'est un dieu mais il est mort. Non, en fait c'est un dieu mais c'était un dieu. Après c'est plus un dieu. Oui, mais si c'était un dieu quand il était sur terre, est-ce que Isa alayhi salam mangeait, buvait, allait aux toilettes? Oui. Donc un dieu buvait, mangeait, allait aux toilettes? Non, on peut pas dire ça, mais ambiguïté sur ambiguïté. Non, nous l'islam c'est clair. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure des créatures. La meilleure des créatures, le meilleur des prophètes et des envoyés, on doit l'aimer plus que nous, que nos enfants, que nos parents. Et ça, on doit le prouver dans l'application. C'est dans l'application. Plus que toute autre chose, à part bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala. Plus que tout ou l'ensemble des gens, mais on ne l'adore pas. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Mautul habib alayhi salatu wassalam. Ça fait partie des signes de la fin des temps. On a dit la venue du prophète, premier des signes. Deuxième des signes, la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Continuons. Troisième des signes, parmi les signes de la fin des temps, il y a Fathu Baytil Maqdis. Et ça a déjà eu lieu à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ça, c'est ce qu'on appelle ici la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Ils ont conquis Jérusalem, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, avec des compagnons comme on va le voir. Et ça a eu lieu à l'époque de qui? De Omar ibn al-Khattab. Ça, c'était un des signes de la fin des temps. Il a déjà eu lieu. Regardez. Chaque signe qui passe, normalement, on doit craindre, avoir ce qu'on appelle al-khashiyah, khashiyatullahi azza wa jal, qui augmente après chaque signe. Si on comprend vraiment cette religion. Pourquoi? Al-khashiyah, c'est quoi? On a dit al-khaw, c'est la peur naturelle. Tu as peur d'une chose ou d'une bête féroce, tu as comme un musulman, comme un non-musulman. Mais al-khashiyah, c'est la peur accompagnée de science. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, les gens de science. Al-khashiyah, c'est la science et la peur. D'accord? Donc, quand tu apprends à craindre ton Seigneur tabaraka wa ta'ala à travers le Coran et la sunna bi fahmi salafil umma, ça donne ce qu'on appelle al-khashiyah, qui est khas, qui est particulier aux croyants, aux croyantes, aux musulmans, aux musulmanes. On est d'accord? Ça doit te rajouter al-khashiyah. Pourquoi? Tu apprends avec science. D'accord? Tu emmagasines de la science bénéfique, insha'Allahu ta'ala. et tu te rends compte que quoi? Il n'y a pas un signe, non. Il n'y a pas deux signes, non. Il n'y a pas trois, il n'y a pas cinq, il n'y a pas 15 signes, mais plus que cela, de la fin des temps qui sont déjà passés. Donc, tu as de plus en plus conscience que quoi? On se rapproche de plus en plus de quoi? De la fin des temps. Après ça, tu n'as pas peur. Seule une personne qui est très faible de iman ne va pas craindre Allah Azza wa Jal. Après, ou sa crainte d'Allah Azza wa Jal ne va pas augmenter après chaque signe. Wallahi, quelqu'un qui a un minimum de crainte d'Allah Azza wa Jal et qui se concentre et qui est sincère après chaque signe, il doit craindre de plus en plus son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. On a dit un signe déjà passé, deux signes déjà passés. On rentre dans le troisième signe déjà et il est déjà passé. Combien de signes sont déjà passés? Est-ce que la fin des temps, elle est proche? Elle est très proche, ayyuhal ahbab. Fath Ubayt al-Maqdis, comme a dit alayhi salatu wassalam. Dans le même hadith qu'on a cité ici tout à l'heure, rapporté par Al-Bukhari. On a cité le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, U'dud sittan bayna yaday sa'a, compte-en six. Ah, on avait dit le prophète, il a dit six. On a cité un. Mauti. Le prophète, il a dit ma mort. Compte-en six avant la venue de l'heure. Parmi ces six, il y avait sa mort. Parmi ces six, ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Fath Ubayt al-Maqdis. Ça a déjà eu lieu. C'est-à-dire la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem, et ceci a eu lieu bien sûr à l'époque de Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda, en l'an 16 de l'Hijr déjà, en l'an 16 de l'Hijr, ça a déjà eu lieu. Et ici, ça a été relaté par Ahlu Siyar, comme il dit Cheikh Wabil dans le livre de les signes de la fin des temps. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda se déplaça en personne, établit un compromis avec ses habitants, se chargea de la conquête et expulsa les juifs et les chrétiens, et il construisit ensuite, à l'an 16 de l'Hijr, une mosquée en direction de quoi? La demeure sacrée, et ceci est relaté dans Al-Bidaya wa al-Nihaya. Donc ça a eu lieu, khalas. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, il l'a fait. Cité dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, quand le prophète il a cité six signes. Mauti, ensuite, Fath Ubayt al-Maqdis. On continue. On est arrivé au combienième signe? Quatrième signe. Ici, Moutan, c'est une épidémie ou la peste? Moutan, une épidémie et la peste. Là, pourquoi j'accélère un peu? Parce que ici, je ne vais pas dire, il n'y a pas il n'y a pas lieu de s'attarder sur ces signes. Car tout est important dans la religion. Mais c'est des signes qui sont déjà passés. Le prophète les a déjà expliqués. Ils ont déjà eu lieu. Est-ce que ça prête à méditation ces signes, ou alors on peut s'attarder, ou on doit plutôt s'attarder sur ces signes, comme on doit s'attarder sur les signes qui sont passés mais qui existent déjà encore maintenant, qui existent encore et qui ne cessent de se passer? Ça n'a rien à voir. Eux, ils ont passé. Est-ce qu'ils existent toujours à notre époque? Non, khlas. Le prophète, il est mort. Est-ce qu'il va mourir deux fois? Non. La venue du prophète, elle a eu lieu il y a 14 siècles. Khlas, c'est passé. La conquête de la demeure sacrée de Jérusalem, elle a eu lieu. Khlas, c'est une histoire, c'est fini. Clair. Mais quand on va parler par exemple de l'fitan, kathratu l'fitan, l'augmentation des troubles, et on va rentrer dans les détails, c'est un des signes qui fait partie des signes de la fin des temps, qui a eu lieu, et on va voir les preuves, qui a eu lieu dans les détails, le prophète a rappelé qu'il a eu lieu. Et particulièrement à l'époque de Umar ibn al-Khattab, ça a commencé, ça a explosé l'fitan. Dans le hadith, c'est détaillé dans les détails, ou c'est expliqué dans les détails. À l'époque de Umar, la porte qui protégeait les gens de l'fitan, elle a été enfoncée. Comme le prophète l'a dit, vous allez voir dans le hadith authentique. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, à son époque, ou plutôt Afwan, après sa mort, la porte elle a été enfoncée. Khalas, l'fitan, ça a explosé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, écoutez bien, et même ils vont continuer jusqu'à la fin des temps. Ah, il y a des petits signes qui ont déjà eu lieu, qui ont lieu et qui resteront jusqu'à la fin des temps. Là, il faudra s'attarder comme il se doit sur ces signes-là. Amma, c'est les autres signes que je viens de citer, ils ont eu lieu. Khlas. Il faut méditer sur ces signes-là. D'accord? C'est le but. Walakin, on peut pas s'attarder des heures sur ça. On continue, inshallah ta'ala. Al-Moutan, ici, ou plutôt Moutan, c'est-à-dire une sorte de peste ou d'épidémie, qui a eu lieu à un endroit qui est à peu près à 9 km à 10 km. Ici, à 9 ou 10 km d'une ville qui s'appelle Ar-Ramla, dite Ramallah. D'accord? Donc, cet endroit-là, il y a eu une peste. C'est ce qu'on appelle la peste de Umwas ou bien Amwas. On reprend le hadith encore. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit dans le Bukhari, U'dud sittan bayna yaday sa'a. Compte-en six avant la venue de l'heure. On est toujours dans le même hadith. Clair. Et parmi ces six, donc il a dit sa mort, le prophète, alayhi salam, la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem, Fath Ubayt al-Maqdis, et ensuite il dit quoi, alayhi salatu wassalam, Thumma mutan ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam, kaqu'asil ghanam. Prophète alayhi salatu wasalam, il dit avec une traduction approximative, une épidémie qui va vous atteindre tel le qu'u'as chez les ovins. Al-qu'as a été expliqué ici dans, par l'imam Ibn Hajar, ça a été cité dans Al-Fathul Bari, Fathul Bari, une maladie qui touche les bêtes, faisant couler leur nez, et la mort instantanée s'ensuit. D'accord, ce type de maladie. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit que cette maladie-là allait les toucher. Et ça, quand cette maladie-là allait les toucher, c'est un des signes de la fin des temps. Est-ce que cette maladie-là les a touchés? Na'am. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit dans le Fath. On a dit que ceci est apparu lors de la peste de Umwas, durant le califat de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu warda. À l'époque de Umar, cette peste-là, cette épidémie-là, a touché des musulmans, des musulmanes, des croyants, et des gens qui ne croyaient pas. Écoutez bien, cela s'est produit après la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Ah, donc on sait que quoi? On peut placer ce signe après ou pas? Ou est-ce qu'on a des preuves pour placer, ou les savants pour placer ce signe après le signe qu'on a traité précédemment, c'est-à-dire Fathu Bayt al-Maqdis? Oui ou non? Oui, parce que ici les savants l'ont rappelé ici. Les historiens l'ont rappelé. Donc vous voyez qu'il y a eu un effort d'interprétation, un effort des savants pour dire tel signe, il est avant ou après tel signe. Pour certains signes, mais pas tous. Il y a d'autres, ils ne le savent pas. Donc ils les ont cités, d'accord, sans dire leur ordre. Donc ici, comme l'a dit Ibn Hajar dans le Fath, et en l'an 18 de l'Hégire, donc on avait dit la conquête de la demeure sacrée, c'était en quelle année? L'an 16. Deux ans après, en l'an 18 de l'Hégire, ici, selon l'avis le plus connu de la majorité des savants, une peste apparut à cet endroit, puis se propagea dans la région du Chem. Un nombre considérable, même de compagnons, des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, ont trouvé la mort, ainsi que d'autres. On dit que le nombre des pertes s'élevait à environ 25 000 morts, dont un grand nombre de compagnons. 25 000 morts parmi les musulmans. Et parmi les plus grands compagnons, il y avait Abu Ubaïda, ici Ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu arda, et aussi Mu'ad Ibn Jabal, radiyallahu anhu arda, aydan kadhalik. Ici, c'est parmi les grands compagnons qui sont morts à cause de cette peste ou cette épidémie. Donc il y avait ici Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu arda, et Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et ça, c'était le quatrième signe de la fin des temps. Khalas, on continue. On rentre dans le cinquième signe de la fin des temps. On est toujours dans les petits signes. Khalas, le quatrième, il est passé. Est-ce qu'il existe maintenant ou alors il ne cesse de se produire? Oui ou non? Non. Khalas, le cinquième signe qui fait partie des signes de la fin des temps. Ça, c'est un signe. Écoutez bien. C'est un signe qui a eu lieu. On va voir les preuves. Ici, qui va avoir lieu après certains grands signes de la fin des temps. Ah, on a dit quoi précédemment? Qu'il y a des gens ici qui n'ont pas compris ce sujet-là. Comme il se devait, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des petits signes qui ont eu lieu, mais qui auront lieu après les grands signes. Il y a certains petits signes qui ont déjà eu lieu, mais qui vont venir après certains grands signes. Ou dis si tu veux, ils vont réapparaître après certains grands signes. D'accord? Et il y a d'autres petits signes. On ne dit pas qu'ils vont réapparaître, parce que quand on dit ils vont réapparaître, c'est qu'ils ont déjà eu, ils ont déjà eu lieu, mais qui vont apparaître après certains grands signes. D'accord? Comme un vent qui va venir après la venue de Al-Mahdi et Isa alayhi salam. Ça, c'est les grands signes, et on va rentrer et plonger et ici dans ces grands signes, inshallah ta'ala, comme il se doit, et voyager à travers ces grands signes comme il se doit par la suite, inshallah ta'ala, les 10 grands signes de la fin des temps. Là, on est dans les petits signes de la fin des temps qui sont bien plus que 10. On est d'accord. Donc ici, il y a ce signe-là. Ce signe-là, c'est quoi? Yakthurul mal, comme a dit alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire la profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'il y aura ici la personne riche, il aura tellement d'argent, ou des gens auront tellement d'argent qu'ils vont chercher à qui donner de l'argent, personne n'en voudra. Ils vont aller voir les gens, ils vont dire, tiens, de l'argent, prends-en, j'en ai pas besoin. Et ça a eu lieu, on va voir. Et ça va revenir ici à une certaine époque, comme on va le voir. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, yaqulu alayhi salatu wa salam, la taqumu sa'a hatta yakthura fikum al-mal. Ici, ne viendra pas jusqu'à où l'heure, le jour dernier, jusqu'à ce que les richesses se propagent parmi vous et abondent au point que le détenteur de la richesse, de l'argent, cherchera qui l'acceptera de lui comme un homme, comme aumône, et l'homme sera appelé, mais il dira, écoute, j'ai pas besoin de ton argent. Prends de l'argent, des richesses, j'ai pas besoin. Maintenant, quelqu'un va nous dire, subhanallah, même moi si je suis riche et on me demande de l'argent, je vais le prendre ou pas? La majorité vont dire, même si je suis riche, je suis milliardaire, ils vont me donner, je vais prendre. Mais regardez à quel stade. Donc ça, c'est pour nous rappeler que ça, ici, c'est le prophète alayhi sallam qui le dit, c'est pour nous rappeler que c'est quelque chose quand même d'étonnant. Quand on dit un signe de la fin des temps, c'est que c'est quelque chose quelque part d'étonnant, ou c'est quelque chose qui va se passer qui est quand même étonnant. Donc ici, le prophète alayhi sallam nous rappelle cette chose étonnante. Tellement qu'il y aura de l'argent, les gens, tu vas dire, prends l'argent, il va dire, j'en veux pas. Ça a déjà eu lieu, on va le voir, bi-idnillah azzawajal. Rapporté par l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il confirme ceci encore, il dit, il arrivera une époque où l'homme se déplacera avec une aumône en or, puis ne trouvera personne pour la lui prendre, pour prendre cet argent. Ici, les savants, ils ont dit, ceci a eu lieu déjà à l'époque de certains compagnons. Il y avait surtout ce grand compagnon qui était Omar ibn Abd al-Aziz radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ce grand compagnon, Omar ibn Abd al-Aziz, c'était qui? Le petit-fils de Omar ibn al-Khattab. Il a été calife. À son époque, ça a eu lieu. Pourquoi? Les richesses se sont multipliées du temps des compagnons. À cause de quoi? Et particulièrement à son époque, parmi les causes, les nombreuses conquêtes qu'ils ont fait. Comme le prophète alayhi sallam leur avait dit qu'ils allaient prendre ici de l'argent et un grand butin qui appartenait à qui? Kisra. Qui appartenait à cet empereur Kisra. Ils ont pris, ils ont gagné de nombreuses batailles et des conquêtes, donc ils avaient beaucoup d'argent. Ça, c'est une des causes. D'accord? Mais pourquoi on dit particulièrement à l'époque du petit-fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, ce grand ascète, ce grand savant compagnon pieux, vertueux, équitable, juste, qui était calife? Malik ibn Dinar radiyallahu an wa rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il disait? Et quand ici un jour on aura le temps, bihawlillah azza wa jalla, on parlera de sa biographie à ce grand compagnon. Il dit que quand ici Omar ibn Abd al-Aziz radiyallahu ta'ala an wa arda a été calife, il disait on pouvait aller avec nos moutons. D'accord? On pouvait aller avec nos moutons, c'est des bergers en général. D'accord? On pouvait laisser paître nos moutons sans avoir peur. Sans avoir peur de quoi? Que le loup dévore les moutons. Et un autre qui s'appelait Moussa, d'accord? Rahimahullah ta'ala radiyallahu anhu wa huwa kana min as-salaf, il disait un jour quand on était en train de faire paître nos moutons et etc., nos bêtes, un jour on a vu un loup manger une de nos bêtes. On s'est dit, ah, là c'est obligé qu'il y ait quelque chose de bizarre qui a dû arriver à qui? Omar ibn Abd al-Aziz. Ils ont été voir, d'accord, pour avoir conscience tranquille et pour s'assurer que rien n'était lui était arrivé. Et quand ils ont été se renseigner, qu'est-ce qu'ils ont vu? À votre avis, c'est il est mort. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Allez, on vous laisse un peu réfléchir. Qu'est-ce qu'on en déduit là? Vous avez compris ou pas? On a dit c'est quoi les causes? Les causes qui ont fait qu'ils ont eu beaucoup de richesses. On a dit, khlas, des conquêtes gagnées. Mais pourquoi j'ai parlé de Omar ibn Abd al-Aziz et je vous ai cité ces paroles de Salaf? Malik ibn Dinar, il disait à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, on pouvait laisser nos moutons sans s'inquiéter est-ce que le loup va les manger ou pas. Les savants, ils disent, quand le hakim, il est juste et équitable, c'est une des causes par laquelle Allah azza wa jal fait que l'abondance et le barakat, les bénédictions augmentent sur la surface de la terre. Et Omar ibn Abd al-Aziz, il était réputé pour être un croyant, un compagnon, un calife très très très équitable et juste. Jusqu'à ce que même les animaux, ici, étaient justes et équitables. Et ils n'osaient même pas, le loup, manger la brebis. Ça c'était dû à quoi? L'équité qu'avait le hakim Omar ibn Abd al-Aziz. Et quand ils ont vu le loup a commencé à manger le loup, ils ont dit, ah, c'est passé quelque chose à Amir al-Mu'minin. Ah, ici, Amir al-Mu'minin qui était attribué à Omar ibn al-Khattab, à la kulli hal, le calife. Et c'était quoi? Il était mort. Il était mort. Et c'est pour ça, les savants, ils disent, une des causes qui fait que quoi? Allah, il te met le baraka dans tes biens, c'est que tu es une personne équitable. Et que tu es une personne juste. Comme était Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et c'est à son époque, ici, où les savants ont dit qu'il y avait beaucoup de biens, jusqu'à ce que les gens cherchaient à qui donner de l'argent. Tu veux de l'argent? Non, khlas, tout le monde avait ce qu'il voulait. Et à l'époque déjà de Omar ibn al-Khattab, il y avait les musulmans qui avaient déjà instauré un principe qui a été copié par les non-musulmans. Baytul Mal, masha'Allah. D'accord, c'est quoi Baytul Mal? C'était une caisse qui appartenait aux musulmans. D'accord, pour aider ceux qui en avaient pas. Le plus riche aidait le plus pauvre. Tout le monde donnait des aumônes, c'était une caisse qui était gérée par des gens équitables. Celui qui voulait se marier, qui n'avait pas les moyens, prend cet argent. Celui qui voulait faire le hajj, le pèlerinage, il n'avait pas les moyens, prend cet argent. Celui qui avait besoin d'argent, il était en panne, prend cet argent. Celui qui était endetté, prend cet argent. Et ils avaient ici instauré, ici, un principe qui était fondé sur quoi? Ce qui est contraire au principe de riba, les intérêts. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et entraidez-vous au bien, aux œuvres de bien et à la piété. Ce qui est contraire à riba. Riba, c'est quoi? Est-ce qu'on applique ce verset coranique? Entraidez-vous aux œuvres de bien et de piété. Non, c'est que par intérêt. C'est pour ça que ça tient pas riba, il n'y a pas d'intérêt. Et si on restait avec riba, nous, et on travaille avec riba, ici, déjà qu'il y a ce phénomène au jour d'aujourd'hui de plus en plus, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait quelque chose ou un bien à une personne, on a souvent tendance, illa man rahim Allah, à attendre quelque chose en contrepartie. D'accord? En général. Mais ça, on le trouve bien sûr, de façon clairement, d'accord, moins chez les musulmans que chez les non-musulmans. Pourquoi? Parce que nous, on a le principe de fi sabilillah, pour Allah Azza wa Jalla. On attend la récompense divine. Mais si on travaillait toujours avec riba, ça serait toujours, tu me fais, je veux ça en échange. C'est ce qu'ont les non-musulmans. C'est que par intérêt. Et c'est pour ça qu'on voit chez les musulmans, les non-musulmans, est-ce qu'il y a cette entraide qu'on trouve chez les musulmans? C'est pour ça qu'ils sont étonnés. Même quand quelqu'un est à l'hôpital, ils sont choqués. Comment ça? À peine ils le connaissent, ils remplissent l'hôpital, tout le monde vient le rendre visite. Pourquoi? L'entraide. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Quelqu'un est en panne, خلاص, tout le monde l'aide. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Il y a ici un mort ou un décès, tout le monde est autour de la personne, même ceux qui le connaissent à peine. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu. Tandis qu'eux, ils n'ont pas ce principe. C'est toujours intérêt. Et pourquoi pas, alors que la vie est fondée, ou leur vie est fondée sur quoi? Les crédits. Et les crédits, c'est quoi? Je te donne, mais tu me donnes. Non, tu me rends pas. Tu me donnes en plus. Tandis que nous, les musulmans, non. Je te donne, garde, fils Abillah, j'attends la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, il met le baraka dans ces principes-là. Allah, il met le baraka, la bénédiction, dans cette façon de voir les choses. Dans cette action que tu fais quand tu as cette intention sincère pour Allah Azza wa Jal, et quand tu espères sincèrement la récompense divine. Et eux, ils avaient ça, alhamdoulilah. Maintenant, c'est ce qu'ils appellent au jour d'aujourd'hui, par exemple, le RMI, ou le RSA, ou les aides, etc. Voilà, que nous, on l'avait depuis des siècles. On l'avait depuis des siècles. Et comme je dis souvent, les non-musulmans au jour d'aujourd'hui, ou beaucoup de non-musulmans, ils appliquent certains, et beaucoup plutôt, de principes religieux, sans être musulmans. Au jour où beaucoup de musulmans délaissent beaucoup de principes religieux, alors qu'on est musulman. C'est pour ça que faut pas envier les non-musulmans surtout. Non, faut envier ici le comportement du prophète et des compagnons. Parce que wallahi al-azim, quand on va dans un pays non-musulman, et c'est une réalité, comme par exemple en France, en Europe, et qu'on voit que tout est propre, les infrastructures, il n'y a rien à dire, les gens sont éduqués, les gens font la queue comme il se doit. Et quand on va dans des pays comme chez nous, au Maroc, Algérie, Tunisie, ou dans des pays d'Afrique, on est traumatisé. C'est vrai ou pas? Choqué. Walakin, on doit envier qui là? On doit envier qui, billahi alaykoum? C'est les non-musulmans. C'est pas eux. On doit envier la source dans laquelle ils ont puisé ces principes-là. C'est-à-dire, le Coran et la Sunna bi fahmi salafil umma. Eux, ils ont appliqué quoi vous croyez? Eux, ils ont appliqué le Coran et la Sunna bi fahmi salafil umma. Ça sort d'où ça? Vous croyez que ça sort d'où ces principes-là? Ça sort de l'islam. Parmi les premières personnes qui ont insisté sur le fait ici qu'il y ait des infrastructures et que les rues soient vraiment illuminées au maximum, il y avait qui? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Ici, comme j'avais vu à travers une émission ici il y a pas longtemps, une personne, un médecin, qui rappelait que les premiers à avoir construit les hôpitaux dans des endroits propres, purs, sains, c'était qui? Les musulmans où? En Irak. Il disait, alors qu'à l'époque, l'habitude c'était de quoi? De construire les hôpitaux dans les endroits les plus éloignés, les plus sales. Et il disait, les premiers c'était les Arabes en Irak, qui l'ont fait. Wallah, il y a quelque temps dans une émission française, et c'était un médecin. C'est une émission qui tournait autour de la santé. Regardez, wallah, et tous les principes, ils les ont pris de l'islam. Pourquoi? Tout ce qu'ils appliquent, est-ce qu'on le retrouve ici à travers le comportement du prophète et des compagnons? Naam, an-nadhafa min al-iman, la propreté fait partie de la foi. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et on fait 5 fois l'eau d'eau par jour. Tout a été mis en place dans le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al-umma pour que les musulmans soient des personnes propres, ordonnées, justes, équitables, un bon comportement, etc. Walakin nous on a délaissé illa man rahim Allah al-Quran wa Sunna bi fahmi salaf al-umma. Donc on ne doit pas les envier eux. On reconnaît, subhanallah, ajib, eux ils sont équitables dans certains points où nous on n'est pas équitables. Eux ils sont yani de façon extérieure dans certains cas plus propres que nous qui sommes musulmans dans certains cas de façon extérieure, c'est-à-dire à travers les routes, les infrastructures, etc. Mais laquelle on dit, on vous envie pas vous, on envie votre application qui découle du Coran et de la Sunna bi fahmi salaf al-umma. Et ça c'est un signe aux musulmans pour revenir au Coran et à la Sunna avec la compréhension des ancêtres pieux. Clair? Wadih? Ici, on avait cité le signe qui est quoi? La profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône qui a eu lieu à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz radiyallahu ta'ala anhu wa arda, et à l'époque des sahaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum. Et ici, Ibn Hajar, et je termine avec ça, il dit dans le Fath, il dit, c'est une indication, et Allah est le plus savant, wallahu a'lam, de ce qui se produira, écoutez bien, au temps du Mahdi et de Isa. Al-Mahdi, ça veut dire le bien guidé. Il ne s'appellera pas le Mahdi, mais il s'appellera comment? Mohammed. Comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On le verra. Ça, il dit, c'est une indication. Et Allah est le plus savant de ce qui se produira au temps du Mahdi et de Isa alayhi salam, où les richesses abonderont et où la terre sortira sa bénédiction et ses trésors. Où la terre sortira ici sa bénédiction et ses trésors. À l'époque de quoi? De Isa et du Mahdi. Et du Mahdi, il se passera la même chose. Et ça, c'est pour ça que les savants ont dit qu'il y a des petits signes qui se sont passés et qui vont revenir, réapparaître après certains grands signes. Parmi ces petits signes, retiens, il y a la profusion des richesses et le fait que la personne voudra donner de l'argent tellement qu'il en aura, il ne trouvera pas à qui donner de l'argent. Et le sixième signe, on le traitera la semaine prochaine, bihaoulillahi azza wa jal. Et là, on va rentrer dans le premier signe parmi les signes de la fin des temps, qui fait partie des petits signes de la fin des temps, qui a eu lieu, qui existe au jour d'aujourd'hui et qui ne cessera d'exister jusqu'au jour dernier. C'est quoi? Al-fitan. C'est les troubles. Et le prophète, il a détaillé les troubles, al-fitan. Et comme je vous ai dit précédemment, il a rappelé que al-fitan vont, si on veut entre guillemets, exploser. À quelle époque? Le jour où Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda est décédé. Et le prophète a rappelé qu'il y avait quoi? Une porte. D'accord? Une porte qui préservait, d'accord, de le fitan. Et cette porte, c'était qui? Omar ibn al-Khattab. Et quand Omar ibn al-Khattab va mourir, cette porte va être enfoncée, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le fitan vont exploser. Et la plus grande des fitna qui est venue tout de suite après, ou la première des grandes fitna qui est venue tout de suite après la mort de Omar ibn al-Khattab, c'est quoi? La mort de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et on verra ça la semaine prochaine bi'idhnillahi azza wa jal. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fina wa fikum.